Monsieur. Attendez un moment. Je vais revenir vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent.